Divers pays ont rapporté du 1er au 8 août les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Le réseau La Radio Internationale de Chine, les journaux d'Internet Al-Sharq Al-Youm et Al-Badil, l'agence de presse d'Internet de Mauritanie Anba Al-Watan, l'agence de presse d'Internet des États-Unis Inca News ont fait part que le maréchal Kim Jong-un a présidé la 3e conférence des éléments les plus actifs du mouvement pour le titre de 7e régiment au Zungu de l'armée populaire de Corée. Le homepage d'Internet du Comité national d'études du kimilsonisme Kim Jong-lisme du Nigeria a ajouté que le maréchal coréen s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 3e conférence des exemplaires du mouvement pour le titre de 7e régiment au Zungu de l'armée populaire de Corée et a visité le combinat du matériel de pêche de l'armée populaire de Corée nouvellement construit.